Multimédia électro. Vandenborg, la confiance. Bienvenue sur Vivacité, il est 11h. Et on salue Marianne Brillo pour l'information, bonjour. Bonjour à tous, une peine plus lourde pour Oscar Pistorius en Afrique du Sud. L'ancien champion paralympique a été condamné ce matin à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Reva Steenkamp en 2013. Décision de la cour d'appel de Pretoria, Pistorius avait écopé de 5 ans en première instance. La peine avait été jugée trop clémente par la famille de la victime. Quant à l'accusation, elle avait réclamé une peine de 15 ans minimum. Le Premier ministre Charles Michel n'entend pas se laisser intimider par les menaces du groupe terroriste État islamique. Il le fait savoir après la diffusion par l'organisation terroriste d'une vidéo qui le désigne comme responsable des attentats de Bruxelles. « Nous ne reculerons pas face à Daesh », dit Charles Michel, « et nous sommes déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec nos partenaires ». La vidéo de propagande cible aussi le président François Hollande et le Premier ministre français Emmanuel Valls. Les services de sécurité sont en train d'analyser ce film. Charles Michel, qui a déjà fait l'objet de menaces, fait l'objet de mesures de protection particulières, comme d'autres ministres d'ailleurs. Ils discutent ce matin à huis clos entre députés et experts pour terminer le premier volet de leurs travaux. Cet après-midi, audition du ministre de l'Intérieur et de la Santé. On attend les premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles. Conclusions sur l'organisation des secours et les cafouillages aussi au niveau de la communication après les attaques de Zaventem et du métro Malbec. Le procureur de Bruxelles lui plaide pour une police à part entière dédiée au terrorisme. Jean-Marc Meyer le dit ce matin dans les colonnes du journal de Tait. Les grands dossiers terrorisme, dit-il, mettent à mal le travail des services de police bruxellois. Les autres départements compétents pour le grand banditisme, par exemple, ou la criminalité financière, doivent venir en aide sur ces dossiers terrorisme. Les corps de police locaux de Bruxelles ne peuvent plus mener à bien leur tâche de base dans les quartiers. Le procureur qui propose la création d'un commissariat central pour tous les dossiers terrorisme du pays. L'actualité sportive aussi aujourd'hui avec la 5e étape du Tour de France qui entre dans la montagne et le massif central entre Limoges et le Lioran. On suivra également aujourd'hui les quarts de finale messieurs à Wimbledon et puis ce soir à 21h la première demi-finale de l'Euro de football entre le Portugal et le Pays de Galles. Cet infoservice encore avec la baisse du prix de l'essence demain à la pompe, moins 3 centimes d'euros. La météo avec le retour d'un temps doux entre passages nuageux et périodes ensoleillées. Elles seront d'ailleurs plus généreuses à la côte, maxima de 17 à 21 degrés. RTBF Mobile Info, Caroline Gilles, un accident du côté de Woluwe-Saint-Étienne. Exactement, sur le 40 Liège-Bruxelles, voie de droite neutralisée, circulation quelque peu ralentie en direction de la capitale. Sur le ring de Bruxelles, justement, côté temps de parcours, vous perdez une grosse dizaine de minutes. C'est en circulation intérieure entre Haut-Titre et Grand-Bigard dans la zone de chantier. Et puis, encore une possibilité de ralentir dans le centre de Bruxelles, entre les tunnels Reyers-Montgomery et Georges-Henri vers la Cambre, ainsi que dans le tunnel Reyers-Centre vers le centre. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On se met un peu de poudre de soleil et on prend un air de vacances. Je vous laisse avec Stéphane Piedbeuf. C'est la journée internationale du baiser aujourd'hui. Je vais faire un gros bisou, Marianne. Allez, bisous. À tout à l'heure. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Et 50 millions de bactéries échangées quand même. Ouais. Les échanges buccaux, vous savez, le French Kiss là, on estime à 50 millions la quantité échangée dans un French Kiss. C'est énorme quand même. On réfléchira deux fois avant de s'embrasser. Oui, on va se brosser les dents. Sylvain qui réalise l'émission est en forme. Et vous aussi, on l'espère en tous les cas avec le retour du soleil. Et ça y est, il va s'installer pour quelques jours jusqu'à la fin du week-end au moins. On est là avec les people qui sont en vacances et nous les appellerons. Il y aura tout à l'heure Lou de Prike.

Les carrelages Ceratec AWARM soldent. C'est le moment de profiter de carrelages de qualité, mais à prix soldé et durant tout le mois. Sympa, non? Ceratec. Encore plus intéressant que d'habitude et avec toujours l'atelier de découpe de plaintes. Ceratec, une nouvelle façon de voir le carrelage. Ceratec. Chaussée romaine à AWARM. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, but! Vivez les demi-finales de l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Allemagne-France, à suivre en direct ce jeudi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Un projet pour vos aménagements extérieurs cet été? Une terrasse, une cour ou des allées? Chez Big Mat cette semaine, une super offre pour des pavés béton à 10,95€ du mètre carré. Mouais, mais 10,95€ pour un pavé 15 par 15 en 6 cm d'épaisseur, c'est rare. Et si en plus cette promo est valable sur tous les coloris disponibles, c'est dément. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Le meilleur prix, qualité comprise. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. Belle fin de matinée, c'est l'heure du tube de l'été et nous allons écouter Juanes. Avec la Camisa Negra, guitariste, auteur, compositeur, interprète colombien. À la base, il a d'abord été membre en fait, d'un groupe de heavy metal. Ça, ça se sait moins, entre 1987 et 1999. Et puis son groupe a disparu. Et puis il est parti, lui, s'installer sur la côte ouest des États-Unis à Los Angeles. Et il a commencé sa musique en solo à partir des années 2000. C'est là qu'il va vraiment mûrir son style en mélangeant à la fois des rythmes colombiens tels que cumbia ou encore Valentano, si vous connaissez un petit peu la carrière d'artiste. Et il a mélangé tout ça avec du rock. Et la quintessence de cette recette va se retrouver sur la Camisa Negra qui fusionne pop international avec la carangera qui est une musique qui appartient vraiment au folklore colombien. Le morceau est un phénomène planétaire. On n'est pas passé à côté bien sûr. On l'a écouté tout l'été 2006 et tout de suite aussi sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Mía que aquel día te encontré por beber del veneno.

Oui Stéphane, c'est une bonne journée déjà. Il y en aura encore des plus chaudes, mais celle-ci est à ne pas négliger. Le vent est moins présent qu'hier et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Le vent qui est plus calme, mais qui vient quand même du nord-ouest. Donc ça donnera un petit peu une petite impression de brise. Mais à l'abri de cette petite brise, en plein soleil, on attend 19 degrés sur toutes les plages belges. La température de l'eau de mer ne bouge pas, 16 degrés. Et les perspectives sont bonnes pour les prochains jours puisque le soleil va encore s'affirmer et il fera encore un petit peu plus chaud les prochains jours au littoral. Mais c'est une excellente nouvelle. Alors il y a Thérèse de Namur qui est en train de faire ses valises. Elle part fin d'après-midi avec ses enfants au Crotoy en baie de Somme dans le Nord-Pas-de-Calais. Avez-vous des bonnes nouvelles à lui annoncer, Denis ? Eh bien oui, toute la famille de Thérèse peut préparer la crème solaire car demain, comme aujourd'hui déjà, eh bien, les conditions seront bonnes sur la baie de Somme avec des températures qui demain se situeront aux alentours de 22 à 23 degrés. Ça devrait encore augmenter pour approcher 24 à 25 degrés ce week-end. La température de l'eau de mer est à 17 degrés, et elle va monter jusqu'à 18 et puis vraiment sur... là où il y a très peu d'eau en bord de plage, eh bien, les sensations seront déjà un petit peu meilleures puisque le soleil aidant, eh bien, l'eau qui est vraiment en surface sera un petit peu plus chaude. Donc voilà, pas de soucis à se faire pour le Crotoy ces prochains jours. Et en plus, c'est pas très loin de chez nous. Merci beaucoup Denis Collard. Et si vous souhaitez vous aussi demander la météo de votre lieu de villégiature, vous pouvez le faire par SMS au 3063, un petit texto, et Denis vous raconte la météo de votre destination de vacances 3063. Et dans un instant, on va appeler un people, et pas n'importe lequel. Ce sera Lou de Praik. Ah, c'est l'été sur Vivacité, c'est en air de vacances jusqu'à 13h. Lou de Praik, c'est ça aussi. Kingston, ça commence à bouger, j'ai plus hésité. J'ai dansé le reggae à Montego Bay, c'est l'hiver à Paris. En direct sur Vivacité par téléphone, Lou de Praik, c'est dans quelques instants dans les People en vacances. Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigales, une farandole de produits français et wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule goûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet. UEFA Euro 2016. Ce mercredi, première demi-finale à Lyon. À 21h, Portugal, Pays de Galles. Et 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre. 1 euro, bleu, blanc, but. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez la nouvelle émission de l'été, Vivre ici, pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale, en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Dans quelques instants, Vivacité a encore un air de vacances. Vivacité à Serein, en toute complicité, sur 90.5 FM. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique ? Ou bien à la mer ? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Info et conditions sur letrain.be. Le train. Heures, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Dans ton lit, j'ai connu le vertige et le goût du péché dans un coin de paradis secret, le soleil. Un été merveilleux et les quatre dans ton lit, j'ai connu des va-et-vient. Et la fièvre coulait sur ma peau. Dans ton lit, je suis tombée à la renverse. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. La main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. La main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. Oh, L'album Motown des Commodores sur Vivacité avec le célèbre Night Shift. Et là, on essaie d'appeler Lou de Prague, mais il ne répondait pas. Par contre, on est tombé sur son répondeur. Mais moi, je propose quand même de l'appeler en direct. On sait jamais qu'il décroche, hein, puisque voilà, il écoute certainement Vivacité, puisqu'il est un peu au courant qu'on veut lui poser des questions sur son été. Appelons Lou de Prague en direct. C'est mes règles disponibles de temps en temps. Quand il est accessible, vous pouvez accéder, vous pouvez laisser un message après le signal sonore. On va lui laisser un message. Bonjour. Bonjour Lou, c'est Stéphane Piebeuf. Bah, on est en direct sur Vivacité en ce moment. On aurait bien voulu connaître votre tube de l'été préféré, savoir où vous partiez cet été. On aurait aimé savoir quel est votre meilleur souvenir de vacances. J'aurais pu également vous demander quel est votre cocktail préféré de l'été, mais malheureusement, nous tombons sur votre répondeur. Et c'est bien dommage, ce n'est pas grave. Partie remise, une prochaine fois cet été, d'accord? À bientôt Lou. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Caroline Gillet. Malheureusement, je ne suis pas disponible pour l'instant. Non, en fait, je reviens dans 10 jours. Merci. C'est vrai, vous partez en vacances demain. D'accord, bah bonnes vacances d'avance, mais avant cela, aujourd'hui, ici et maintenant, que se passe-t-il sur nos routes, Caroline? Eh bien, on a un accident sur le 40 Liège-Bruxelles. C'est moins drôle, évidemment, à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne. Deux voies de circulation sont neutralisées. La circulation est ralentie. Vous perdez une dizaine de minutes en direction de la capitale. Une dizaine de minutes supplémentaires aussi, toujours sur le Rhin en circulation intérieure entre Autitre et Grand Bigard. Et puis on apprend à l'instant un accident sur le 34 envers Eindhoven à hauteur d'Oulegem. La voie de droite étant disponible en direction des Pays-Bas. Eh ben, et c'est la journée internationale du baiser. Alors je fais un gros bisou. Et bonnes vacances, Caroline. Merci. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous parlerons du Tour de France. Les coulisses du Tour de France, c'est chaque jour sur Vivacité. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire? Mi daresti la crema solare? Je t'enduis le dos? E la spalmo sulla schiena? Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel, c'est la fête et les jambes. Rendez-vous ce 9 juillet au château d'Oupeil, au milieu des vignes et des vergers, pour pédaler avec Kiki l'innocent, avant de chanter avec Delta et Bastian Baker. Alors venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel, avec Engie Electrabel. Vivacité et la 2 présente Bruxelles-les-Bains. La plage bruxelloise vous attend pour une foule d'activités. Animation pour enfants, sport, concerts, cinéma, danse, soirée survoltée ou farniente. Vivez un été inoubliable à Bruxelles-les-Bains du 1er juillet au 7 août avec la ville de Bruxelles et la Loterie Nationale. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, des voyages extraordinaires où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin. Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde. Il y a Imagine, près de chez vous, à Neupré. Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage. C'est chez Imagine, 132 route du Condroit à Neupré, ouvert même le dimanche. www.imagine.be. Besoin de carrelage? Allez chez Center Carrelage. Un choix incomparable, des remises stupéfiantes. Un accueil et des conseils personnalisés. La beauté associée à la qualité. À Liège et Boncel. Le commerce autrement. Localisie.com. Localisie.com. Vivacité présente Utopia, le monde aux enfants. Découvrez cet été une immense plaine de jeux avec un toboggan de 30 mètres de long, un nouveau parcours équilibre, des structures gonflables et des activités inédites sur les trucs bizarres et un peu cracra du corps humain. Programme spécial pour les groupes avec la Loterie Nationale et la province de Luxembourg. Ah. Un air de vacances, c'est jusqu'à 13h. Et puis dès 13h, ce sera l'été du bon côté. Le programme avec Émilie Duquegel dans quelques instants en direct dans ce studio. Et puis nous parlerons conso aussi avec Aurore Salsano. Partir en vacances, c'est bien, mais il faut penser à plein de choses. Et notamment aux vaccins, les précautions de santé. Et puis tous les documents administratifs aussi. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Aurore nous dira tout ça tout à l'heure. La musique vous accompagne aussi dans Un air de vacances avec Syl dans un instant après Pascal Obispo. C'était le dernier rendez-vous avec Pascal Obispo sur Vivacité. Tour de France 2016. Ce mercredi 6 juillet, 5e étape. 216 km en montagne, entre Limoges et le Lorient. Et les 198 coureurs engagés dans cette grande boucle ne sont pas au bout de leur peine puisque le tour dure 3 semaines, d'où l'importance pour les coureurs de ne rien oublier dans leurs valises. Mais au fait, que trouve-t-on dans les valises des coureurs? C'est ce que Pierre Capard a cherché à savoir dans sa séquence coulisses du Tour de France. Le Tour de France a donc démarré ce samedi au Mont-Saint-Michel pour s'achever le dimanche 24 juillet à Paris. 21 étapes plus 2 journées de repos, c'est long pour les coureurs qui ont dû boucler leurs valises pour 3 semaines. Mais que trouve-t-on dans les valises de ces coureurs? La réponse d'Arnold Janson, un des Français de l'équipe Cofidis. Voilà, on est tous un peu différents, donc certains vont emmener la peluche de leur enfant, d'autres vont emmener beaucoup de produits ordinateurs, etc. D'autres, ça va être 3 trousses de toilettes, enfin ça dépend après. c'est vrai que voilà, on a tous une façon différente de faire notre valise. Et vous, à titre personnel? J'emmène ma petite bouilloire, mon PC, mes fringues et puis 2-3 tablettes de chocolat et c'est parti, quoi. Sur le plan pratique, les vêtements sont évidemment incontournables, même si les tenues sportives sont fournies par les équipes. Il est toutefois nécessaire d'en prendre suffisamment en fonction notamment de la météo. Notre compatriote Yann Bakelans se montre plutôt pragmatique. Beaucoup de vêtements de cyclistes, des vêtements sportswear pour après la course, fournis par l'équipe. Pour le reste, oui, rien de spectaculaire, une brosse à dents, un rasoir, toutes des choses pratiques, un peu de trucs pour se détendre comme un livre, son iPad, mais là, ça arrête. D'autres, en revanche, se montrent moins terre-à-terre, comme son équipier au sein du team AG2R, Michael Scherel, qui, durant ce tour, attache beaucoup d'importance à l'aspect familial et au côté sentimental. Cette année, j'ai apporté quelque chose de supplémentaire. J'ai apporté mon oreiller pour ne pas changer mes habitudes à la maison et ma fille a glissé sa tête d'oreiller, donc je me retrouve avec un oreiller et une housse d'oreiller Hello Kitty, voilà, donc ma fille de 4 ans était ravie quand elle m'a vu partir avec cette housse et moi ça m'évoquera la famille tout au long du tour. Sinon c'est une valise assez normale, si ce n'est qu'en plus j'ai la photo de mon épouse et de mes deux enfants que je regarde chaque jour et voilà, rien de plus. Important sur le plan sentimental parce que c'est quand même une absence assez longue. Ouais, tout à fait. Après, on est 3 semaines dans notre bulle, donc on n'a pas vraiment le temps d'y penser. Et puis les moyens de communication actuels nous permettent de rentrer en communication chaque jour, en visio parfois, quand on le peut. Donc voilà, le tour dure 3 semaines. Tout le monde sait que je suis au travail pendant 3 semaines. C'est un objectif qu'on prépare depuis de nombreuses semaines et y a un temps pour tout. Hein, donc c'est sûr qu'on profitera ensemble après, mais il n'y a pas de morosité ni même pendant le tour. Quand tout se déroule bien, voilà, tout va bien. Reportage sur les routes du Tour de Pierre Capard. 13h, 15h, l'été du bon côté sur Vivacité. Ce sera avec tout à l'heure. Avec Émilie de Kegel. Bah voilà, exactement, bon, bah, la dame, elle a tout dit. Hein. Elle a tout dit. Non, elle a pas parlé. Déjà, elle a pas dit bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Tout le monde. Donc ça, c'est fait. Non, elle n'a pas parlé du sujet du jour, puisque alors, dans l'été du bon côté aujourd'hui, avec Ania Younes, qui est coach, nous allons parler d'un sujet. Alors, je sais qu'on est en vacances et qu'on préfère plutôt penser à ce qu'on va mettre dans la valise, mais au mois de septembre, il va se passer des choses. Et coach des choses... sportif? Non, coach de vie. D'accord. Plutôt, puisqu'au mois de septembre, il y a des jeunes qui vont se lancer dans le grand bain de la grande école, de l'université, ah ouais, de la fac, des écoles, des études supérieures. Ce ne sont pas toujours des choix faciles. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui pataugent un peu, là, qui sont en train de se noyer un petit peu parce qu'ils ne savent pas trop quelle direction prendre, comment ouais, faire pour prendre les bonnes décisions et la bonne direction. On va en parler avec Ania. Et puis vous êtes peut-être déjà adulte. Peut-être pas dans votre tête, mais en vrai, oui, vous avez un métier, vous aimeriez vous réorienter. Ce sont des choses qui sont aussi possibles. Vous avez envie de changer de vie, mais vous ne savez pas trop comment prendre le problème, par quel côté. Eh ben, on va essayer de vous aider cet après-midi. Ça va être rigolo. Ah bah c'est hein, top, ça. Tiens, si vous n'étiez pas animatrice radio, Émilie, vous auriez aimé faire quoi, vous? Professeur d'histoire. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'adore raconter des histoires. Et j'adore l'histoire avec un grand H aussi en plus. Donc je pense que j'aurais fait ça. D'accord, c'est bon à savoir. On ne sait jamais. Je vais poser la question tout à l'heure à Ania. Et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez déjà nous les poser maintenant hein, par SMS. Le numéro, vous le connaissez par cœur, Stéphane. C'est le 3063 et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès 13h sur Vivacité dans l'été du bon côté. That when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Thank you. much a man can tell you, so much he can say. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Et c'est la journée internationale du baiser, donc forcément, il y a des bisous partout dans la programmation de Vivacité. Kiss from a Rose, c'était Seal. Mais c'est quoi cette musique? C'est la croisière s'amuse, hein? Bienvenue à bord, un air de vacances jusqu'à 13h sur Vivacité, avec tout de suite la séquence conso. Alors partir en vacances, c'est sympa, mais il faut penser à beaucoup de choses, notamment aux vaccins et aux documents administratifs à prévoir. Aurore Salsano, vous nous dites tout. La valise est bouclée, votre billet d'avion en poche ou la voiture chargée. Tout est prêt. Tout, vous en êtes bien sûr. Certains pays nécessitent par exemple de se faire vacciner contre la fièvre jaune, la malaria, l'hépatite A ou autres joyeuses maladies. Une fois ces vacances effectuées, vous recevrez un certificat de vaccination internationale, indispensable pour entrer dans certains pays. Mais comment faire pour savoir quel vaccin vous devez effectuer? Un seul site s'impose, celui du Service public fédéral, s'il vous plaît, belgium.be. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet « Santé ». Ensuite, sur « Voyage », en deux opérations seulement, vous trouvez tout ce qu'il faut savoir pour voyager très loin ou moins loin. Pour les vaccins, vous serez redirigé vers l'Institut de médecine tropicale où il suffira de taper votre pays de destination pour avoir toutes les infos nécessaires. Dans cette même partie voyage, vous aurez aussi toutes les infos nécessaires sur les destinations à risque, les rapatriements, la carte européenne d'assurance maladie et même une liste pour créer votre pharmacie de voyage. Là, pour le coup, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour l'aspect santé. Mais qu'en est-il des documents de voyage? Avez-vous besoin d'un passeport ou d'un visa pour aller, par exemple, visiter l'île Bikini ou les îles Sandwich? Je vous jure qu'elles existent. Eh bien, pour le savoir, on retourne sur ce bon vieux site belgium.be. Cette fois, vous allez dans l'onglet « Famille », puis « International » et puis « Documents de voyage ». Et là, eh bien, les passeports et autres visas n'auront plus de secret pour vous. Enfin, dernier conseil, c'est de vous y prendre à temps. Que ce soit pour les vaccins ou les documents de voyage, ce serait vraiment trop dommage de ne pas pouvoir aller au bout du monde parce que vous n'avez pas été prévoyant. Sur ce, je retourne à mes recherches parce que vraiment, je suis curieuse de savoir s'il faut porter un bikini pour aller sur cette île. Et merci beaucoup Aurore Salzano pour cette piqûre de rappel. On est cool sur Vivacité et Kenji Girac nous le rappellera dans quelques secondes. Les soldes XXL sur Krefel.be. Commandez en ligne, livraison possible chez vous 2 heures après. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. C'est la folie des soldes chez MediaMart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez commander en ligne, venir chercher et payer vos achats en magasin ou les faire livrer gratuitement. Conditions sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou. En ce moment, chez Bricot, grande opération recyclage. Faites du neuf avec du vieux. Apportez-nous votre vieil outil et recevez 25% de réduction sur un nouveau. Pour les makers, Bricot. UEFA Euro 2016. Ce mercredi, première demi-finale à Lyon. À 21h, Portugal, Pays de Galles. Et 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre. Un euro bleu, blanc, but. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beauvélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez la nouvelle émission de l'été, Vivre ici, pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale, en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Vivacité présente Allo, l'espace à l'Eurospace Center, ce samedi 9 juillet à partir de 16h. Une soirée à thème inoubliable à vivre en famille ou entre amis à la recherche de vie sur d'autres mondes. Nouveauté cette année, un quiz musical live extraterrestre. Mais aussi 6 conférences sur la vie dans l'univers, des spectacles, des séances de planétarium pour toute la famille. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Hé là, mais qui est là? Et qui moi? Allô, quoi. Vous êtes tombé sur mon répondeur et pas? Ah oui, et il est passé en direct à la radio. Il est très original votre répondeur, Lou de Prague, bonjour. Bonjour. Vous êtes en vacances, vous êtes au bout du monde, où êtes-vous là? Bah, je suis à Essine encore pendant une semaine, puis je file en Thaïlande. D'accord. J'ai... Parce qu'on avait vraiment l'impression que vous étiez déjà dans l'avion, là, tout à l'heure, en tombant sur votre réponse. Bon, le questionnaire des People en vacances, ça nous fait plaisir de vous avoir au bout du fil. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous? Ben, j'ai entendu un truc qui s'appelle Vamos a la Playa par Ben Lando, un truc qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ah, des oraux peut-être? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, ça c'est terrible ça. C'est Baila, je pense. Hein. C'est ça, Baila. C'est ouais, pas Baila. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Hein, ce titre Deoro, c'est Deoro. Oh, hein. Voilà. C'est comme déodorant sans quelques lettres. Bon, vous partez en Thaïlande cet été. C'est votre seconde résidence là-bas? Bah oui, je fais alvenage, comme on dit. En fait, je fais la navette tous les mois. Quoi. Ah oui, carrément. Et ouais, il faut combien de temps pour aller en Thaïlande en avion? Quelques heures? 11 heures au total. Mais je voyage dans de bonnes conditions. Je suis platinier, mais j'ai fait 1 million de kilomètres. Non, alors ouais. Disons que je voyage quand même assez confortable. Mais le jet lag, je l'ai eu contre. Quel a été un jour deux, ouais, un mètre. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances après le jet lag? Non, non. Tout confondu? Bah oui. Ouais, ça date de plusieurs années. Hein. Je peux le raconter? Bah bien sûr, on vous écoute. Ouais, parce que j'étais en vacances. Je prends toujours des vacances au carnaval pour voir un peu tous les carnavals qu'il y a dans le monde. Et un jour, je me suis retrouvé au carnaval en Haïti, à Port-au-Prince. Ouais. Et j'étais dans le cortège, c'était encore du temps de Baby Doc. Ça, donc ça date, quoi. Et je me suis fait braquer par les tontons Macoute qui croyait que j'avais attaqué le groupe Carnaval. C'est assez amusant. C'est un souvenir un peu... Ouais, c'est pas un des meilleurs souvenirs, ça. Après, ouais. On s'est tapé des roms au Café Napoli. C'était bien. C'était corsé. Donc, bah justement, en parlant de roms, quel est votre cocktail préféré? Ben, j'en ai plusieurs. Je suis assez mojito. Mm-hmm. Ouais. Alors, j'aime bien le Stinger. Ah, je connais pas ça. Stinger, c'est deux tiers de cognac. Ouais. Et un tiers de menthe. Ok. Alors, en Belgique, quel est l'endroit où vous vous sentez vraiment en vacances? Dans le jardin de mon papa. Il est longtemps, il soigne son jardin, et c'est magnifique. Quoi. C'est vrai? C'est dans quelle région? Lui, il est de Lessine, mais c'est dans la région de Lessine. Dans la région de Lessine, donc qui est votre première résidence, c'est la résidence que vous partagez avec votre résidence en Thaïlande. Bon, voilà. De temps en temps, vous allez à la mer en Belgique. Quelle est votre station balnéaire préférée? Oui. Vous êtes plutôt Knok ou La Panne? Non. Donc c'est Cosmopolite. D'accord. On est en train. Ostende, il y a très longtemps. Ah, Ostende. Ah bah voilà. On va noter Ostende. Comme Arnaud, effectivement. Vous êtes proches l'un de l'autre? Oui, on est potes. Ah super. Bon, bah, bonnes vacances. Alors bon voyage en Thaïlande et merci beaucoup d'avoir rappelé en fait suite à notre message. Bah, j'écoute toujours Vivacité. Je suis un fidèle quand je suis là-bas. Ah bah c'est super. Ça nous fait plaisir de vous savoir à l'écoute. En tous les cas, Lou de Preik. Allez, dernière question. Il paraît que vous avez vendu plus de disques Madonna. Vous confirmez ou vous infirmez? Non, Madonna, vous rigolez. Non, mais je pèse, entre guillemets, quelque chose comme entre 20 et 25 disques, quand même. 20 et 25 millions de disques. C'est énorme. Ouais, 25 mais millions. Tout confondu, quoi, avec la production, Victor Laszlo, enfin tout. Ouais, clairement, mais bravo, en tout cas. À très bientôt sur Vivacité. Lou de Preik qui était votre invité dans l'interview des People en vacances. Petit disco samba de Lou de Preik sur Vivacité, qui était notre invité tout à l'heure. On appellera Jean-Luc Fonck du groupe Stella. Restez avec nous, tout de suite, l'information arrive. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas, à l'heure, en face du McDonald's. Durant ce mois de juillet, les meubles Teller à Büchenbach vous invitent à la détente. Vous profiterez des soldes pour réaménager votre intérieur. Grâce à nos salons tout confort, nos salles à manger à vivre, nos literies de grande qualité ou nos luminaires, vous jeterez l'ancre pour enfin profiter. Meubles Teller à Büchenbach, votre bonheur sur mesure. Maison Hardy, créateur de chaleur. Jusqu'au 31 juillet, profitez des soldes à la Maison Hardy, votre spécialiste en chauffage et électroménager à Liège. Conditions exceptionnelles sur tous nos poêles à pellets. Action spéciale sur les foyers à bois et les cheminées décoratives Stuve. Profitez de nombreux électroménagers soldés. Maison Hardy, créateur de chaleur. Maison Hardy, depuis 1893, derrière l'hôtel de ville, à Liège. L'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir et Vivacité. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Merci d'écouter Vivacité, il est midi. L'actualité, c'est avec vous, Marianne Brillot. Bonjour à tous. Pas question de se laisser intimider par les menaces du groupe terroriste État islamique. C'est ce que le Premier ministre Charles Michel fait savoir après une nouvelle vidéo de propagande dans laquelle le groupe djihadiste cible le Premier ministre et son homologue français Manuel Valls. On y voit aussi apparaître plusieurs terroristes impliqués dans les attentats de Bruxelles. « Nous ne reculerons pas face à Daesh », dit Charles Michel. « Nous sommes déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec nos partenaires. Combattre Daesh, c'est défendre notre démocratie et la sécurité de nos concitoyens. Les services de sécurité sont en train d'analyser, comme à chaque fois, ce type de film. Charles Michel, qui a déjà été la cible de menaces, fait l'objet de mesures de protection particulières, tout comme d'autres ministres d'ailleurs. On attend les premières conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles. Ce matin, les députés et les experts se sont retrouvés à huis clos pour terminer le premier volet de leurs travaux, volet qui porte sur l'organisation, la gestion des secours, les cafouillages aussi au niveau de la communication après les attaques de Zaventem et du métro Malbec. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur Yann Yambon et la ministre de la Santé Maggie De Blocq seront auditionnés par la commission. Oscar Pistorius, condamné à 6 ans de prison, décision en appel de la justice sud-africaine ce matin. L'ancien sportif paralympique était accusé d'avoir tué sa petite amie de 4 balles en 2003. Cette décision, Julien Geffredo, est un nouvel épisode dans ce feuilleton judiciaire, mais peut-être pas le dernier. 6 années au lieu des 15 requises contre lui, c'est la décision qu'a annoncée la juge Tokodzile Madzipa devant une salle comble. Une peine plus légère en raison, je la cite, de circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine plancher de 15 ans pour meurtre. Des circonstances atténuantes qui, selon elle, l'emportent sur les facteurs aggravants et notamment sur son intention manifeste de tuer sa petite amie. A priori, c'est une bonne nouvelle pour Oscar Pistorius. Depuis que son crime a été requalifié en meurtre en décembre dernier, il pouvait en effet craindre pire. Il a d'ailleurs embrassé, serré sa sœur dans ses bras à l'énoncé du verdict. Seulement, ce verdict pourrait ne pas être définitif. L'accusation avait réclamé au moins 15 ans de prison. Elle risque de juger cette peine de 6 années insuffisante et de faire appel de la décision. C'était Julien Geffredo. Ce midi, on apprend que les avocats d'Oscar Pistorius ne devraient pas faire appel, eux, de cette peine de 6 ans de prison. L'ancien champion devra passer au moins 3 ans derrière les barreaux avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. En sport, et le menu est chargé aujourd'hui, la 5e étape du Tour de France est partie il y a une petite vingtaine de minutes, direction le Massif Central et le Lioran. 6 ascensions au programme, 2 côtes de 2e catégorie. Le maillot jaune est toujours ce matin, ce midi, sur les épaules de Peter Sagan. On va suivre aussi aujourd'hui les demi-finales messieurs à Wimbledon. Et puis ce soir, l'Euro de football, première demi-finale entre le Portugal et le Pays de Galles. Les Portugais en demi-finale de l'Euro pour la 5e fois de leur histoire, alors que les Gallois découvrent ce niveau de compétition. Mais les Portugais, il faut le rappeler, n'ont gagné aucun de leurs matchs à l'issue du temps réglementaire pour l'instant. Autre euro, celui d'athlétisme, il a débuté ce matin aux Pays-Bas. Ce sont les décathloniens qui ont foulé les premiers la piste du stade olympique pour la première des 10 épreuves de la discipline, le 100 mètres. 3 Belges espèrent décrocher un billet pour les JO de Rio, mais aucun des 3 n'est classé dans le top 15 pour l'instant. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, situation assez calme sur les routes ce midi. Ça a été très calme toute la matinée et ça reste calme. On a eu un accident sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne. La chaussée est dégagée, les fils se résorbent en direction de la capitale. Une circulation un petit peu plus dense sur un tronçon du ring intérieur de la capitale entre Bercelles et Forêt dans la zone de chantier en direction de Grand Bigard. Le point noir peut-être aujourd'hui, c'est cet accident sur le 34 envers Eindhoven à hauteur d'Oulegem. La voie de droite est neutralisée, on a des fils sur 5 km et 20 minutes de retard en direction des Pays-Bas. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Prochain rendez-vous de l'info sur Viva à 13h. Ce sera le journal avec Simon Gérard. Merci Marianne Brillot. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Un air de vacances,

sur Vivacité. C'est l'heure du tube de l'été. Alors on aurait pu mettre Tarkan avec Chikidim, mais on a choisi Chimarik. Pourquoi ? Parce que c'est la journée internationale du baiser. Alors Tarkan Tevetoglu est une superstar en Turquie. Tout à l'heure on parlait avec Lou de Praik, lui a vendu 25 millions d'albums. Mais ce Tarkan, il en a vendu près de 29 millions. Oui, il est d'ailleurs surnommé un peu partout le prince du Bosphore. Cependant, malgré une discographie à rallonge, il ne doit sa minute de gloire internationale qu'à Chimarik, la chanson du baiser, qui est paru en 1998 et dont nous fûmes inondés tout l'été. Alors combien de bisous y a-t-il dans la chanson de Tarkan Chimarik? Si vous pouviez compter et m'envoyer la réponse, ça m'arrangerait au 3063. Je plaisante évidemment. On va juste la savourer tous ensemble. Mouah. Patlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak aslar mahvoldu. Seni gidip önde kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsan. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran le deuxième tube de l'été. Tout à l'heure, nous écoutions avec beaucoup de plaisir Juanes. Retrouvez les clips sur le site vivacité.be. Encore un soir, voici la nouvelle chanson de Céline Dion sur Viva. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ses visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir

Je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi. Le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Que diront les gens? Ils plaindront mes pauvres parents. Que dire à ces gens qui me trouvent trop différent? Je ne suis pas mieux qu'un autre. Ça choque. Je ne veux plus avoir peur. Un homme est un homme. Peu importe où va son cœur. J'ai le droit aussi. Le droit d'être avec lui. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi. Le droit de sur Vivacité. Avant de parler du Tour de France, eh bien, on va faire une pause et puis nous appellerons également Jean-Luc Fonck pour les People en vacances. Ou ailleurs, hein? Tiens, Jean-Luc Fonck, où part-il en vacances? J'imagine qu'il a ses entrées à Torremolinos depuis quelques années maintenant. On lui posera la question, tiens, quand on l'appellera. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Venez vite chez Pearl Opticien pour nos soldes fondantes. Jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin. Nouveau chez Kitchen Market, découvrez la cuisine équipée NEC 24. Une cuisine de qualité allemande, disponible de stock à partir de 1499 €, électro compris. Moins cher et plus solide que du kit. À découvrir chez Kitchen Market. Kitchen Market. Tes idées plein la cuisine. Faire des blagues avec Bernie ou des vagues avec Lolo. Vos enfants aussi peuvent se lâcher. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute en famille dans un resort Sun Connect. Soirmag. Soirmag présente Quiz Belgique. 4 livres pour tester votre culture belge. Des centaines de questions pour s'amuser ou rafraîchir ses connaissances. De la panne à Virton, d'Ambiorix à Albert II, d'Eddy Merckx à Justine Hénin. Redécouvrez la Belgique. Ce mercredi, premier volume, La Belle Histoire, au prix de 4,90 € seulement. Soirmag. Tout le monde s'y retrouve. Essentiel by Mobipin. Les meilleurs soldes en mobilier contemporain. Exclusif, unique, authentique. Découvrez les tendances les plus chics. Essentiel, route du Condro à Neupré, ouvert aussi le dimanche dès 14h. Essentiel, votre créateur d'ambiance. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Mélanie Joris, Sylvie Honoré et Joël Sève. Profitez de soldes exceptionnels en juillet chez De Ravet. Vraiment exceptionnels. Ne vous fiez pas aux clichés. Allez vérifier. De Ravé, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison De Ravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Tour de France 2016. Ce mercredi 6 juillet, 5e étape. 216 km en montagne, entre Limoges et le Lorient. Samuel Grulois, bonjour. Bonjour Stéphane. Et ça y est, on y est, hein, nous sommes dans les premières pentes, les premiers cols du Tour de France. Oui, effectivement, pour faire un beau Tour de France, il faut un petit peu de tout, c'est-à-dire aussi bien des étapes de plaine que des contre-la-montre et également des étapes de montagne. Et il faut avouer que dans l'imaginaire collectif, les étapes de montagne quand même ont plus d'importance peut-être. Les gens sont passionnés, d'ailleurs il y a beaucoup plus de gens sur le bord des routes, dans l'école. C'est ici, dans la montagne, que s'est jouée la grande histoire du Tour de France et donc on est content d'y être. Alors ce n'est pas encore la haute montagne, comme on dit, c'est de la moyenne montagne, mais avec déjà quelques cols qui vont culminer au-delà des 1200, 1300 et même 1500 mètres pour le pas de Pérol qui sera franchi à 30 km de l'arrivée. 6 difficultés au programme, il y a un petit peu de tout. Une côte de 4e, donc ça c'est le plus bas niveau entre guillemets des difficultés. Et puis il y a 3 cols de 3e catégorie et 2 cols de 2e catégorie. Pour votre info, et ça ce sera dans les Pyrénées, dans les Alpes, il existe aussi des cols de 1ère catégorie. Et alors le top du top, les cols hors catégorie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... C'est une échelle, ce sont des échelles. Voilà, vous avez l'échelle. Donc quand vous avez ça déjà dans le programme le matin, quand le coureur se lève, il se dit « Bon, avec mes qualités intrinsèques, que puis-je espérer sur ce type d'étape ?» Aujourd'hui, on peut s'attendre à une étape explosive parce qu'on a eu l'occasion de repérer les 50 derniers kilomètres et ça grimpe bien, ça descend bien, c'est assez sinueux, assez technique. Mais il y a encore pas mal de candidats pour la victoire. Ce sera beaucoup moins le cas et beaucoup plus sélectif quand on sera dans les Pyrénées ou dans les Alpes d'ici quelques jours. D'abord les Pyrénées et puis les Alpes. Et donc, la grande question, c'est est-ce que les favoris du Tour de France, Froome, Quintana, Contador et consorts, vont attaquer aujourd'hui et faire la grande bagarre? Je pense que non. Par contre, des coureurs qui ne jouent pas le général mais qui ont des qualités de grimpeur, comme Barguil par exemple, comme Haro peut-être, il faudra voir quelle est sa situation, voir Nibali au sein de l'équipe Astana, s'il vise vraiment le général ou les victoires d'étape, ces gars-là peuvent faire exploser. C'est une étape pour Baroudeur, il y aura sans doute une attaque assez rapide, il y aura un groupe assez consistant et tout devrait se décider évidemment dans les deux cols les plus compliqués, le pas de Pérol et le col du Pertus. Les coureurs ont quitté Limoges à 11h30. Ils se sont rapidement arrêtés, du moins la voiture, une des voitures s'est rapidement arrêtée à Saint-Léonard-de-Noblat. C'est le village de l'ancien coureur Raymond Poulidor qui fête ses 80 ans cette année. On lui a rendu un hommage bien senti. C'était il y a déjà quelques minutes. Depuis lors, la voiture de Poupou est repartie, tout comme les coureurs. Quel suspense donc à suivre en direct sur Vivacité, à la télé et également sur RTBF Ovio. Merci Samuel Grulois. À tout à l'heure. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Quoi de neuf ? Voici Florent Motte. Quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune. Allô la terre, est-ce que tu me reçois? Quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les mirages font la loi. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler. Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Que mes démons se réveillent et se mettent à danser. Paraît plus beau. Oh, oh, oh, oh. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Les étoiles. Quoi de neuf, je danse hiver comme été au rythme de mon cœur quand les battements s'emballent. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pour voir. Toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, quoi de neuf, décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Never Tear Us Apart, c'était INXS sur Vivacité. Place au beau vélo de Ravel à présent dans un air de vacances. C'est une balade à vélo, mais pas que. Il y a aussi toute une série d'activités prévues tout au long de la journée pour occuper petits et grands. Alors, allez notamment tester des vélos un peu spéciaux ce samedi grâce à 365.be. Pour nous en parler, nous accueillons Adrien Jovenot. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, vous le savez, nous serons dans la région de Liège avec le beau vélo de Ravel. Nous serons à Oupey, exactement le 9 juillet. Et au cœur de notre village, il y aura une animation proposée par le musée des transports en commun de la région Wallonne. Un musée qui est basé à Liège. Pour nous en parler, Mickaël Mercier. Bonjour Mickaël. Bonjour Adrien. On va pouvoir tester des vélos bizarres. Exactement. Donc le musée des transports en commun de Wallonie est un des musées qui est labellisé Bienvenue Vélo et qui propose une série d'activités très chouettes autour donc, de cette thématique du vélo qui est la thématique Wallonne cette année. Donc on va pouvoir effectivement tester des vélos bizarres. Il y aura une petite expo d'éléments de mobilier qui sont réalisés à partir de pièces de vélo qui ont été récupérées, qui se fera en collaboration donc, avec le partenaire du musée Calidipole. Calidipole aussi va proposer d'autres activités. Il y aura par exemple un bus ancien qui sera sur place, donc ce sera assez sympa, avec à l'intérieur une expo sur le thème de l'intermodalité, donc comment on peut faire vivre ensemble de façon intelligente. Et je sais que tu es un fervent défenseur de cette intermodalité entre transport en commun, vélo, et on pourra même faire du vélo avec des vélos un peu originaux, aussi des vélos pliables cyclotech. Donc vraiment une animation intéressante sur cette thématique du vélo que l'on propose au beau vélo de Ravel. Et je vous propose dans la foulée d'aller visiter ce très beau musée des transports en commun situé pas loin de la Beauvrie, cette nouvelle passerelle aussi inaugurée récemment sur la Meuse. Et dans ce musée, il y a pour l'instant une exposition cyclo-cité avec l'histoire du vélo dans nos villes depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, du Grand Bi au VTT. On en reparle évidemment tout ce week-end sur Vivacité à l'occasion de l'étape d'Oupey. Sur mon tandem, j'aurai un Liégeois Kiki l'Innocent, supporter des Diables Rouges. Et du standard évidemment. Surtout. Il va jouer à domicile, hein, Kiki l'Innocent. Et nous terminerons par un concert de Bastian Baker avec aussi la bande à Lolo et le groupe Delta. Bon préparatif, Mickaël. Merci Adrien. Samedi. Un samedi, les amis. C'est dans le parc du château d'Oupey que toute l'équipe du beau vélo de Ravel vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 9h30. Alors pour les inscriptions, vous pouvez vous faciliter la tâche en vous inscrivant directement sur le site internet du beau vélo de Ravel, accessible via vivacité.be. Vous y trouverez également toutes les informations pratiques concernant l'étape d'Oupey, vivacité.be. Le beau vélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au beau vélo de Ravel. Un projet pour vos aménagements extérieurs cet été? Une terrasse, une cour ou des allées? Chez Big Mat cette semaine, une super offre pour des pavés béton à 10,95€ du mètre carré. Mouais, mais 10,95€ pour un pavé 15 par 15 en 6 cm d'épaisseur, c'est rare. Et si en plus cette promo est valable sur tous les coloris disponibles, c'est dément. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Le meilleur prix, qualité comprise. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. En juillet, solde incroyable aux meubles de Malines. Des prix complètement fous dans notre showroom Litry et sur de nombreux salons. Des prix que vous ne verrez pas de sitôt. Meubles de Malines, rue NE à Herstal. Aux meubles de Malines, rue NE à Herstal. Vivacité présente Utopia, le monde aux enfants. Découvrez cet été une immense plaine de jeux avec un toboggan de 30 mètres de long, un nouveau parcours équilibre, des structures gonflables et des activités inédites sur les trucs bizarres et un peu cracra du corps humain. Programme spécial pour les groupes avec la Loterie Nationale et la Province de Luxembourg. Solde, solde monstre au meuble Mailleux. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Robert le dit, le fait et s'y engage. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa? Tous les articles soldés jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be.

les ennuis. Quand tout peut être si simple, on a besoin de rien. La vie est belle, facile comme nous. Je réponds que je sais pas, que j'ai sommeil, que ça se voit. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ces gens qui se nouent. Moi j'oublie, moi je t'aime. Après tout, c'est pas mon problème. Et quoi qu'elle me porte ma journée, on pourra plus me la gâcher. Me stresser, tu souris. Ce matin, je me sens bien. Ce matin, Axel Red, tout en douceur, avant d'accueillir Émilie de Kegel pour l'été du bon côté. On va faire le tour du monde. En tout cas, on va se rendre dans deux pays très sympas qu'on aime beaucoup pour voir ce qui fonctionne bien dans les hit parades, puisque nous, on a notre tip top. En Allemagne, ils ont aussi leur tip top à eux. Et en tête du classement, c'est Imani en ce moment. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. Et le pays du Kiwi, la Nouvelle-Zélande, a aussi son hit parade. Et figurez-vous ce que c'est Justin Timberlake qui est numéro 1. Et qui est numéro 1 de notre tip-top à nous? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure pour la quotidienne entre 19 et 20h sur Vivacité. Puis le nouveau classement, bien sûr, samedi entre 10h30 et 13h. Pour bien terminer l'émission, je propose d'écouter un titre qui fait le tour du web, le tour des radios et le tour des parades aussi. C'est Kid Noise. Yo. Et si on se plongeait dans les années 80, je pense, hein, avec Toto, c'est pas une blague, voici Hold the Line. Quand le vent ne nous décoiffe pas, il y a la musique. C'était Toto sur Vivacité pour bien terminer un air de vacances. On sera de retour demain, mais ça continue. L'été continue sur Vivacité. Avec vous, Émilie Ducayel. Oui, l'été du bon côté. Et nous allons déjà penser à la rentrée de septembre, en tout cas pour les futurs étudiants. Alors, fac, université, études supérieures, année sabbatique, voyage à l'étranger. Vous savez pas trop comment faire. Vous êtes étudiant, vous êtes parent, vous avez des questions à vous poser. Vous aimeriez avoir des réponses. Et ben, on va essayer d'être là. Enfin, non, on va être là, mais on va essayer d'y répondre jusqu'à 15h. Déjà, si vous avez une petite envie, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message, un SMS en tout cas au 3063. Voilà, vous nous présenterez votre invité dans quelques instants après le journal. Quel temps fera-t-il demain? Eh bien, du soleil. Je suis certain que Denis Collard nous annonce du soleil. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Bonne journée à tous, le soleil s'impose déjà. On attend aujourd'hui de 17 à 21 degrés, peut-être localement un petit peu plus, on a moins de vent que les jours précédents et donc les sensations sont déjà meilleures et ce n'est qu'un début puisque cela se confirme pour demain et après-demain. Le soleil sera toujours présent, les températures vont monter, on attend 19 à 24 degrés demain, déjà 20 à 25 pour vendredi, il fera encore plus chaud le week-end et il faudra tout simplement surveiller le risque de voir un orage se développer localement en soirée, mais les températures sur le centre du pays dépasseront largement les 25 degrés. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Très belle journée à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Nous ne nous laisserons pas intimider, c'est la réaction de Charles Michel après la diffusion d'une nouvelle vidéo de propagande du groupe terroriste État islamique, une vidéo dans laquelle apparaît notre Premier ministre. Une application pour aider votre enfant à mémoriser votre numéro de téléphone, voilà ce que lance Missing Children Europe, car avec les smartphones, on ne retient plus aucun numéro. Oscar Pistorius reste en prison, l'athlète paralympique a été condamné à 6 ans pour le meurtre de sa compagne Reva Steenkamp. En cyclisme, étape de moyenne montagne aujourd'hui au Tour de France. Nous verrons si les favoris seront déjà aux avant-postes avec notre envoyé spécial Samuel Grulois. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Charles